sais qu'on n'a pas trop le time, c'est d'abord on tire, on verra après. Et quand ils verront qu'on se fâche en période de crise, ils voudront la paix. Après minuit j'ai la dalle et dans la voiture je me noie dans le miel. La zik a remplacé les balles, maintenant Dieu merci, je vois la lumière. Je veux de la calme, ma zone c'est Rio. Je n'ai pas dans le zen, je peux pas briller. Je connais la suite, j'ai écrit sinon. Tu veux ma place, tu vas m'essirer. Ils ont la critique facile, ils connaissent pas l'obsertec. Ils ont la critique facile, ils connaissent pas l'obsertec. Je connais tout le film, tout le scénario. Y'a deux, trois places que je devrais rayer. Pété sous cheese au fond du Clio. Ils veulent ma place, ils peuvent essayer. Faut que tu restes fidèle comme mes clients. Je les ai éteints juste en priant. Je garde mon sang froid devant les gyros. Je connais tout le film, tout le scénario. J'ai déjà cassé la puce, le bénéf, j'l'ai doublé. Pour les clean, ça j'ai deux P. Dans le double R, on se met au vert. Un qui sort, un écroué. Plus de sourire, y'a plus de CLM. Rien ne sert de courir dans l'arène. Jamais cette année pour le basaner. La misère passe, tu caches après. Vends pas la S, il y a pas de baraka. J'tombe pas ma veste ajustée à ma taille. J'ai pas fait de haps grâce au doha de ma mère. J'en ai plein sous le cœur, j'suis sous Valentine's. Ils ont la critique facile, ils connaissent pas le psartec. Ils ont la critique facile, ils connaissent pas le psartec. Connais tout le film, tout le scénario. Y'a deux, trois places que j'devrais rayer. Et j'étais sous cheese au fond du Clio. Ils veulent ma place, ils peuvent essayer. Faut que tu restes fidèle comme mes clients. J'les ai éteints juste en brillant. J'garde mon sang froid devant les gyros.